Les agences de presse, journaux, radios, télévisions et en pages internet de divers pays et régions comme la Russie, le Japon, Singapour, la Pologne, Cuba, l'Inde, le Cambodge, l'Indonésie, la Chine, le Myanmar, l'Algérie, l'Égypte, le Venezuela, la France et l'Allemagne ont rapporté que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté le tir expérimental du système d'armes d'interception téléguidée anti-aérienne de type nouveau, organisé par l'Académie des sciences de la défense nationale. Les mass-médias ont présenté les photos du dirigeant suprême coréen.